بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 73 من الفصل في كتاب السيرة في باب الصحابة. قال في السؤال 60 بعد 400 كرسون 60 كيسيون. من هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كي لهم البوزيمي أخذ بفرصة صلى الله عليه وسلم. Et celui-ci, Abu Bakr al-Siddiq, qui est bien évidemment le meilleur des compagnons. Le dalil, hadith Amr ibn As, qu'a dit Ya Rasulullah, ayu nas ahabu ilayka, qu'a dit Aisha. Wa qultu min ar-rijal, qu'a dit Abuha. Qu'il dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la personne la plus aimée auprès de toi? Il dit c'est Aisha. Et il dit, et parmi les hommes, il dit son père. Donc Abu Bakr al-Siddiq. Ya qul fi sual al-wahid wa sittin ba'd 400. 469e question. Masmu Abi Bakr al-Siddiq. Quel est son prénom? Car Abu Bakr, c'est sa kunya. Mais son prénom, quel est-il? Que beaucoup de gens ignorent. C'est Abdullah ibn Othman ibn Kuhama. Ou Abdullah ibn Othman. Kuhafa, enfin. Ibn Kuhafa. Voilà. Donc son surnom, c'est Siddiq, car il croit. Ou plutôt il a cru à chaque chose que le Prophète sallam a dit. Comme quand le Nabi sallam kuntu ukhbirukum fatakul wa takulun kadhabta wa kana Abu Bakr Siddiq yaqul sadaqta. Qu'il dit je vous disais telle et telle chose, vous me disiez tu as menti. Et Abu Bakr Siddiq me disait tu as dit vrai. Et sa fille également Aïcha s'appelle Siddiqa. Siddiqa. Après il dit dans le as-su'al athani wa 60 ba'd 400 quels sont son deuxième question. Man huwa al-Farouq? Qui est al-Farouq? Et Farouq c'est Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Donc c'était son surnom, cela est une chose qui est connue. Yaqul fi su'al al-thalith wa 60 ba'd 400 473e question. Kayfa yaf'alu ash-shaytan idha laqiya Omar? Comment Shaitan agit lorsqu'il rencontre Omar? Qala, il dit salaka Omar fadjan, salaka Shaitan fadjan ghayl fadjihi. Que si Ami Omar emprunte un côté, un chemin, que Shaitan empruntera un autre chemin de peur, tellement il a peur de lui. Et ça, c'est une parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qala, ya ibn al-Khattab, wallazi nafsi biyadi, malaqiyaka Shaitan salikan fadjan illa salaka fadjan ghayl fadjik. متفقون عليه. Qu'il a dit Nabi Sallam, au fils de Khattab, Abraha Omar. Je jure par celui dont mon âme est dans sa main, que Shaitan ne t'a pas rencontré sur un chemin sans qu'il n'ait pris un autre chemin que le tien. Et ça, c'est parmi les fadha et les mérites de Omar. Ce qui ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'Abu Bakr Siddiq et ni meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chacun, ils ont des particularités qui leur sont propres, que l'on peut trouver chez un et pas chez l'autre. Bien que l'autre soit meilleur que lui, celui qui est en dessous de lui peut avoir une particularité qui n'est pas présente chez celui qui est meilleur que lui. Cela ne veut pas dire qu'il est, par exemple, Abu Huraira, radhiyallahu anhu, n'a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant 4 ou 3 ans de sa vie. C'est-à-dire une courte durée. Et pourtant, il est celui qui a mémorisé le plus de hadith. D'accord ? Il a été appelé Hafiz al-Sahaba. Et pourtant, il n'est pas le plus savant. Abu Bakr al-Siddiq était plus savant que lui. Rien de ça. ثم قال في السؤال الرابع والستين بعد 400. Quelle est la 64e question? من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسانه وقلبه؟ Qui est celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah a mis la vérité sur sa langue et dans son cœur? Et lui, c'est Omar ibn Khattab. Dans un hadith de Ibn Omar, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose clairement. Inna Allah ta'ala ja'ala al-haqq ala lisan Omar wa qalbi. Et il est connu que Omar a plusieurs fois fait des suggestions qui ont coordonné avec la révélation par la suite. À plus d'une occasion, qu'il dit des choses, qu'il suggère des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que par la suite, la révélation est venue pour confirmer les suggestions de Omar. ثم قال من ذو النورين؟ qui est Zou Nouraï. Zou Nouraï, c'est, on dirait, celui des deux lumières. On dirait dans le sens comme cela. Et c'est, là c'est Souel et Khamis ou Asitin Badarbami, après. Quelles sont 65e question. Donc lui, c'est Afman ibn Affan. ثم قالت السؤال السادس وستين بعد أربعمية كالسان سوسنسيسيام كيستيون لماذا سمي ذا نورين pourquoi il était nommé de la sorte tout simplement parce qu'il s'est marié avec deux filles deux des filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié avec Rukaya puis ensuite elle décéda puis se marie avec Mkulthum donc chacune d'accord et Nour, ça veut dire lumière. Donc le mot lumière a été accordé à chacune d'entre elles. C'est pour ça qu'on dit qu'il est celui qui a eu deux lumières, qui a eu deux défis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est celui dont les anges faisaient preuve de pudeur et étaient gênés en sa présence. Et également, il s'agit de Othman. Comme dans un hadith de Aïcha, قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة ne vais-je pas être gêné d'un homme dont les anges sont gênés cela fut l'occasion que le Nabi صلى الله عليه وسلم était chez lui avec la cuisse découverte en présence de Abu Bakr ensuite Omar est rentré et lorsque Othman est rentré le Nabi صلى الله عليه وسلم a recouvert sa cuisse c'est là qu'il a dit cela et là on parle de sa cuisse on parle de la cuisse la partie qui est permise d'être découverte Amène une partie de la cuisse qui est vraiment supérieure au haut, cela n'est pas permis. Puis c'est un dans d'autres questions différents mérites de Othman, radhiyallahu anhu. Par exemple, Othman est celui qui a réuni le Coran en un seul mushaf, en son temps. Il est celui qui a creusé le puits de Roma. Il est celui qui a équipé les troupes de la conquête de Al-Usra qui était Tabouk, si je ne me trompe pas. Donc il a fait de grands actes. D'accord ? Et il est le troisième meilleur compagnon. D'ailleurs, le Mus'haf qu'on a actuellement à notre époque s'appelle le Mus'haf Bil-Rasm Al-Othmani, de l'écriture de Othman, du fait qu'il est lié, joint, regroupé tout ce qu'il y avait comme Mas'haf à l'époque en un seul Mas'haf et il fut brûlé le reste afin qu'il n'y ait pas de divergence dans la Umma. En réalité, le premier à avoir réuni tous les feuillets contenant des versets, des sourates éparpillés, c'est Abu Bakr Siddiq. Et le premier, et comme il y avait différentes récitations ou al-Zalika, Othman par la suite fut celui qui rassembla le tous en un seul et même mushaf, c'est le mushaf de Fatima. Il a emprunté le mushaf de Fatima, en vue de le prendre comme exemple. Il réunit tous les grands Hufaz parmi les Sahaba, et ils firent un seul mushaf, sur lequel ils furent tous unanimes par la suite. Et il fut brûlé les autres. Non. Fa'ala l'azirat al-yom, rabiyat al-kod naktafi. والحمد لله